الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. On continue donc toujours la série de cours en guise d'explication du livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah, Sifat Salat al-Nabi alayhi salatu wassalam, explication faite par Cheikh Mohamed ben Omar ben Salim Bazmoul hafidahullahu ta'ala. On est arrivé au chapitre concernant le fait de poser la main droite sur la main gauche et l'obligation de le faire. Donc Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il dit: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وكان عليه الصلاة والسلام يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Donc l'auteur qui est Cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, et c'est le titre du chapitre, « Poser la main droite sur la main gauche et l'obligation de le faire. » Alors il dit, « Rahimahullah, il, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, posait sa main droite sur la gauche et il disait, « Nous les prophètes, on nous a ordonné de hâter la rupture du jeûne, de retarder le dernier repas de nuit, ce qu'on appelle le suhur, et lorsqu'on jeûne, et de poser la main droite sur la gauche dans la prière. » Et c'est évidemment cette partie-ci du hadith qui nous intéresse dans ce chapitre. Ensuite, alayhi salatu wassalam, il est passé devant un homme en prière qui avait posé sa main gauche sur sa main droite. Il le retira et posa la droite sur la gauche. Maintenant, l'explication de Cheikh Bazmoul, hafidahullah, sur ce point-là, il dit: الهيئة التي يكون عليها المصلي في الصلاة حال القيام ألا وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بهذه الصفة، والمنقول صراحة من فعله عليه الصلاة والسلام هو ذلك، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو يعني بذلك شيخ الألباني، في الفصل الذي يليه، وأمر بذلك أصحابه. فهذه النصوص يقضي ظاهرها بوجوب وضع اليد اليمنى على اليسرى في قيام القراءة في الصلاة. وقد جاء في الحديث: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وجمهور العلماء أن ذلك على الاستحباب. والصارف لهذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب أنه ثبت عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يصلي مرسلا يديه. قال ابن أبي شيبة في المصنف الطبعة الهندية: حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال سمعت عمرو بن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه، وقال حدثنا عمرو بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها. انتهى كلام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. وجدت خديق ce passage là. Donc Cheikh Bazmoul, il explique ce passage en disant: la position dans laquelle doit se trouver celui qui prie lorsqu'il est en position debout, c'est la, ce qu'on appelle le qiyam, la position debout. Et on avait déjà vu le chapitre concernant le qiyam. C'est la main droite posé sur la main gauche. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a ordonné ses compagnons d'être dans cette position, comme dans le hadith indiqué par l'auteur. Il fait référence à la partie du livre de Charles Albani ici, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et dans le chapitre qui suit, il est dit, et il a ordonné cela à ses compagnons. Ce qui est donc apparent dans ces textes, c'est l'obligation de poser la main droite sur la main gauche lors de la récitation en position debout dans la prière. Donc lors de la récitation en position debout dans la prière, c'est de poser la main droite sur la main gauche. Il a été rapporté dans le hadith, nous les prophètes, on nous a ordonné de hâter la rupture du jeûne et de retarder le dernier repas de nuit lorsqu'on jeûne. Hein, et à la fin du hadith, c'est celle qu'on a rapportée justement sur de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. La majorité des savants, donc Cheikh Bazoum le continue en disant, la majorité des savants, on l'a vu que c'est mustahab, préférable. D'accord ? Hein, ici, on va rapporter qu'est-ce qu'il dit le Cheikh, après je vous expliquerai, on va faire un petit parenthèse dans le Usul parce que c'est important de comprendre ça. Je vous dis, on traduit d'abord ce qu'il a dit Cheikh Bazoum. Il dit donc, la majorité des savants, on l'a vu que c'est quoi ? C'est mustahab, que c'est préférable. Et il dit, hafidahullah, ce qui fait basculer l'ordre de l'obligation au préférable, c'est qu'il a été rapporté qu'un compagnon qui est Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anhu arda, priait les bras, hein, ce qu'on appelle mursilan yadehi, hein, c'est-à-dire qu'il priait les bras relâchés. Ibn Abi Shaybah, dans Al-Musannaf, volume 1, page 391-391, édition Al-Hindiya, donc c'est l'édition indienne, dit Affan a rapporté de Yazin ibn Ibrahim, qui dit j'ai entendu de Amr ibn Dinar dire lorsque Ibn Zubayr priait, il laissait pendre les mains. D'accord ? Et il dit Omar ibn Haroun a rapporté d'Abdullah ibn Yazid, qui dit je n'ai pas vu Ibn al-Musayyib tenir ses mains, ce qu'on appelle Al-Qabd, dans la prière. Il les laissait pendre. Fin de citation de Ibn Abi Shayba, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors maintenant ici, ce qui est connu, c'est que l'action d'un compagnon, dans ce quoi l'opinion n'a aucune place. C'est ce que Cheikh dit ici, hein, pour les frères qui ont le livre en arabe, il dit « وَمَعْلُومْ أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِ فِي مَا لَا مَجَالَ لِلْرَأِي فِيهِ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعَ إِذْ شَأْنُ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتِ تَوْقِفِيهَا فدل ذلك على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ليس من الواجب هذا هو دليل الجمهور فيما جنحوا إليه ولا يظهر والذي يظهر أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من السنن المؤكدة إن شاء الله سيكون السنن المؤكدة التي لا يجب الاستهانة بها أو التهوين بها خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بهذا الوضع فينبغي أن يلتزم المسلم بوضع اليد اليسرى اليمنى على اليسرى في الصلاة لأن هذا من هيئات الصلاة المؤكدة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. Donc Cheikh Bazoum, qu'est-ce qu'il nous dit ici dans ce passage? Il dit, ce qui est connu, il rentre un peu dans l'usul, c'est important d'ailleurs, ce qui est connu, c'est que l'action d'un compagnon, hein, vous suivez bien, dans ce que, hein, في مسألة لا مجال للرأي فيها, comme il a dit le Cheikh ici, ce qui est connu, c'est que l'action d'un compagnon, dans ce quoi l'opinion n'a aucune place, hein, à valeur de al-raf'a. C'est-à-dire quoi al-raf'a ? C'est-à-dire que ça remonte jusqu'au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hein ? Car la prière est une adoration. Et ça, c'est une règle très très importante que Cheikh Falah Ismail, hein, sur laquelle il avait beaucoup insisté quand il venait dans les cours ici, que quoi que al-ibadat, elles sont quoi ? Elles sont tawqifiyah. Très très important. C'est-à-dire que la prière est une adoration, et la base dans l'adoration, c'est qu'on ne la fait pas jusqu'à ce qu'on ait une preuve. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont tawqifiyah. Ceci indique donc que poser sa main droite sur la gauche dans la prière n'est pas obligatoire. C'est ce que dit Cheikh Bazoum. Ceci est donc la preuve de la majorité des savants sur la vie qu'ils ont eue. Mais on va voir ce que ça veut dire après, Inch'Allah. Ce qui apparaît clairement maintenant, hein, c'est que poser la main droite sur la main gauche fait partie des sunan mu'akkada. Hein, ce qu'on a entendu souvent ce terme-là, peut-être, sunan mu'akkada, et on va définir c'est quoi ça après, Inch'Allah. C'est-à-dire, on peut traduire ça de manière approximative par où il y a une notion de quoi d'insistance. On va voir la définition, Inch'Allah. D'accord ? Donc, on se doit de ne pas négliger cette sunna-là. Hein ? Surtout lorsqu'on sait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait à ses compagnons de poser la main droite sur la main gauche dans la prière. Il incombe donc aux musulmans de poser la main droite sur la main gauche dans la prière, car cela fait partie des positions dans la prière qui ont été rapportées de lui, alayhi salatu wassalam, et qui sont ce qu'on appelait comment mu'akkada. Alors maintenant, avant de continuer au chapitre suivant, je voulais faire une parenthèse, comme je vous ai dit, un peu dans l'usul. Et je pense qu'il convient d'expliquer certaines règles et certaines terminologies qui touchent à la science des fondements. Alors évidemment, le cheikh ici, vous avez compris qu'il a rapporté un ordre. Inna ma'ashara al-anbiya, c'est-à-dire que les prophètes, on nous a ordonné de quoi? De poser la main droite sur la main gauche. Après le cheikh, il a rapporté ce qu'il a dit. Il a dit qu'il y a un sarif qui fait basculer le wujub à l'istihbab. Et il fait référence à une règle qui est connue dans l'usul, qui est quoi? Al-aslu fil awamiri an tadulla ala al-wujubi illa ida wujidat ma'aha qarinatun tahmiluha min al-wujubi ila al-nadbi. Et on va voir que le nadb, ou bien le mandoub, si vous voulez, le mandoub, c'est un des synonymes de quoi? De mustahab, ou de quoi encore? Sunnah, ou de quoi encore? Nafl. D'accord? C'est sous des termes qui représentent ce qui est en dessous du wajib dans l'ahkam et taklifiya. D'accord? C'est-à-dire la base dans les ordres, je traduis cette règle-là, la base dans les ordres, c'est qu'ils indiquent quoi? L'obligation. Donc c'est-à-dire la base dans les ordres, c'est qu'ils indiquent quoi? Al-wujub, l'obligation. Sauf, et il a dit cheikh ici, illa, idha dallat al-qarina, ou qarinatun, c'est-à-dire sauf si une qarina, et on peut traduire ça par une qarina, par un indice ou une preuve, la fait passer de quoi? De l'obligation au? Au? Vous ne suivez pas? Au préférable, c'est-à-dire de l'wujub au? Du wajib au mustahab, ou mandoub si vous voulez, qui sont des synonymes comme on a dit. Alors, un exemple donné par Cheikh Sa'd ibn Nasser ibn Abdelaziz al-Shathri dans son explication du livre de Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, intitulé Al-Usul min ilm al-Usul. C'est un livre très très connu que je vous recommande vivement. C'est un livre très très facile dans l'Usul. Pour les frères qui veulent, je vous ai rapporté plusieurs fois l'importance de cette science-là qui est la science de l'Usul. Man hurrim al-Usul, hurrim al-Usul, ala kulli hal. Et donc ce livre-là de Cheikh al-Uthaymin qui est très connu, qui a été expliqué par lui-même d'ailleurs et par d'autres savants, on peut le traduire par les bases de la science des fondements. Al-Usul min ilm al-Usul. Donc Cheikh Shathri, hafidhahullah, il a une explication de ce livre-là. Et il dit, page 56, aux éditions Dar Kunuz al-Ishbiliya, il donne un exemple pour illustrer cette règle. Il dit, « قال الله تعالى, وَأَشْهِدُوا ذَوَ عَدْلٍ مِّنْكُمْ » Traduction du sens du verset 2 de Surat al-Talaq. « Et prenez deux hommes intègres parmi vous comme témoins. » Il dit, le Cheikh, la base, c'est que l'ordre indique l'obligation. Ou est valeur de quoi? D'obligation, l'wujub. Mais il a été rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vendu sans prendre de témoin. Donc ça c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un sarif. D'accord? Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud, ou la référence numéro 3607. Ceci donc indique que la parole d'Allah, « Wa ashhidu idha tabaya'tum » Surat al-Baqarah 282, « Wa ashhidu idha tabaya'tum » Traduction du sens du verset, « Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous » Surat al-Baqarah, donc j'ai dit verset 282, que ce verset n'indique pas l'obligation, mais que c'est quoi? Préférable, que c'est mustahab. Donc ça, c'est pour illustrer que quoi? Que des fois, on a des verbes qui sont des verbes impératifs, et qui sont la base, on a dit l'attention, la base, c'est l'obligation, sauf, on a dit sauf, sauf s'il y a quoi? Un sarif, ou bien c'est une qarina, tahmilu ala l'istihbab. C'est une autre preuve qui quoi? Qui fait basculer de l'oujoub à l'istihbab. Deuxième terme que je voulais définir, c'est quoi? C'est sunnah al-mu'akkada. Alors, Cheikh Abdullah al-Fawzan, dans son explication de Taysir al-Wusul, il a qawa'id al-Usul wa ma'aqid al-Fusul. C'est un livre de l'imam, notez-le, c'est un très très bon livre. Il est imprimé d'ailleurs avec l'explication d'Abdullah al-Fawzan, je vous conseille vivement. Et l'imam, il s'appelle Abdul Mu'min ibn Abdul Haqq al-Baghdadi al-Hanbali. Abdul Mu'min ibn Abdul Haqq al-Baghdadi al-Hanbali. Et ce livre, donc, c'est Taysir al-Wusul, il a Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. Et Cheikh Abdullah al-Fawzan a une explication de ce livre-là, de cet imam qui est mort en l'an 733. 39 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il dit, page 37, donc chez Abdallah al-Fawzan, aux éditions Ibn al-Jawzi, que al-Mandoub, hein, qui est un des synonymes du terme sunna, est de différents degrés. Parmi eux, c'est quoi? Al-sunna al-mu'akkada. Et il donne la définition de sunna al-mu'akkada. Pour les frères qui savent écrire en arabe, je vous conseille vivement de la noter, de la mémoriser. Al-sunna al-mu'akkada. Hiya ma wadaba alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. وربما اقترن به حث وترغيب. Regardez comment elle est courte. On peut même la mémoriser maintenant. As-sunna al-mu'akkada ma wadaba alayhi al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ma wadaba alayhi al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. وربما اقترن به حث وترغيب. مثل, il donne un exemple, rak'atay al-fajr. On va traduire ça après, inshallah. فقد قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر أخرج البخاري ومسلم وقال صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها أخرجه مسلم. Donc Cheikh Abdallah al-Fawzan dit concernant ce quoi, on a dit la sunnah al-mu'akkada. Et c'est important, wallah, une nasiha de ma part. Je vous dis, l'ikhwa, si vous voulez avoir des bases en talab l'ilm et comprendre la religion, alaykoum bi'ilm al-usul, c'est très très important. Et il y a beaucoup de livres maintenant qui sont simplifiés. On ne vous a pas demandé d'étudier le muwafaqat de Shatibi directement, d'accord, hein? Il y a des livres facilités comme Usul min ilm al-usul de Cheikh Al-Uthaymin qui l'explique lui-même, hein? Qui est disponible en un volume. Il y a celui que j'ai rapporté maintenant, Cheikh Abdallah al-Fawzan, il y en a plusieurs, il y a pas mal de livres, d'accord. Et c'est le Waraqat, avec le charh aussi de Abdel Fouzen, le charh aussi de Cheikh Al-Uthaymin qui a été aussi édité. Hein? Et donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, que sur Sunnah al-Mu'akkada, c'est ce que le messager d'Allah, ma wadaba alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa rubba maqtara nabi hathun wa targhib. Donc c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait régulièrement, c'est-à-dire sans jamais délaisser. Ma wadaba, du verbe wadaba yuwadibu. Hein? Mu'adabatan. Et peut-être aussi que ceci est accompagné d'une quoi? D'un hath wa targhib. Comment on peut traduire ce hath wa targhib? C'est quoi? Quand je dis ahuthuka ala hada, c'est ce que j'ai fait justement vous incitant à étudier ilm al-usul, c'est-à-dire quoi? C'est une incitation, hein? Et il dit donc quoi? Que c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait régulièrement sans jamais le délaisser, et peut-être aussi que ceci est accompagné d'une incitation. Comme par exemple les deux rak'a de al-fajr, c'est-à-dire les deux unités de prière avant la prière du fajr. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, elle dit qu'Allah l'agré, je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam plus prompt pour quelque chose parmi les nawafil. Et nawafil, nafl, on a dit c'est quoi? C'est un des synonymes de le sunnah, de l'mandoub, hein, de l'mustahab, d'accord, al-tatawwu', etc. D'accord. Il dit, donc, je n'ai jamais vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, plus prompt pour quelque chose parmi les nawafil, c'est-à-dire les non-obligatoires, qu'il l'était pour les deux unités de prière avant la prière du Fajr. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc déjà, on prend nasiha, qu'il ne faut pas délaisser ces deux rak'a-là, hein, dire que ce n'est pas wajib, ben je ne le fais pas. D'accord. Ça, ce n'est pas la voix du prophète, alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, les deux unités de prière du Fajr sont, écoutez bien ce hadith, hein, rak'at al-fajri khayru min ad-dunya wa ma fiha. Les deux unités de prière du Fajr sont mieux que ce bas monde, ad-dunya, et ce qu'il contient. Et ça a été rapporté par Muslim. D'accord? Avec ça, on a fini donc cette parenthèse sur l'usul. Hein. J'espère que je vous ai motivé un peu à étudier dans l'ilm al-usul. Et je vous assure que ça simplifie beaucoup la compréhension de la religion. On continue avec le chapitre suivant. Et Cheikh Al-Albani yaqoul, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, wad'uhuma 'ala sadr. Et de quoi ad-damir huna, pour les frères qui ont fait un peu de langue arabe, hein? Hein? Ya'udu ila, c'est ad-damir tathniya, c'est-à-dire que c'est un duel ici, c'est un pronom personnel. Duel, c'est-à-dire yada', yada', wad'uhuma, c'est-à-dire qu'il s'est connecté à un nom ici, al-wad', wad'uhuma, le fait de poser quoi? Les deux. Mais c'est quoi les deux ici? Ad-damir ya'udu ila, comme le dit le frère très justement Ahsana. C'est quoi? C'est les mains. Et le damir, il y a oudou, il y a l'yadaini. Wad'uhuma ala sadri. C'est-à-dire le fait de les poser tous deux sur la main, et donc on comprend quoi ? Sur la poitrine, le fait de poser les deux mains sur la poitrine. Donc Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, wa kana yada'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra والرسغ والساعد وأمر بذلك أصحابه وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. On va voir qu'il y a donc une différence déjà entre al-wad' et al-qabd. Hein? C'est des termes à retenir dans la sunna. Et je vais vous montrer, ce sera peut-être un peu plus difficile pour les gens qui ne sont pas le talk, mais je vais vous montrer avec des gestes, inchallah, c'est quoi la différence entre al-wad' et al-qabd. D'accord ? وكان يضعهما على الصدر وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاختصار في الصلاة. On va voir c'est quoi l'ikhtisar et que c'est interdit et que c'est ce que font les maghdoub alayhim. Huwa as-sulb alladhi kana yanha anhu alayhi salatu wassalam. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Albani rahimahullah? Il dit il posait la main droite sur le dos de la main gauche, le poignet et l'avant-bras. Et il ordonnait à ses compagnons de faire cela, alayhi salatu wassalam. Et parfois, il tenait sa main gauche avec sa main droite, ce qu'on appelait quoi, al-qabd, et les posait sur la poitrine. Alors maintenant, l'explication de Cheikh Bezmoul de ce point-là, et il dit, hafidahullah, fi hadha al-fasl masailu wa hiya at-taliya. Il dit donc dans ce chapitre qu'on vient de voir ici, il y a des masail, des points, et on voit lesquels ils sont. D'accord ? Tu suis ? Vous avez le, pour les fréquents livres en arabe, je suis à page 167. Hein? On est dans le Hamish ici en bonheur. Donc il dit la mas'alatu al-oula. Bayan kayfiyat wad' al-yad al-yumna 'ala al-yusra fi hal al-qiyam ba'da takbirat al-ihram. Walladhi dallat 'alayhi an-nusus anna laha kayfiyatayn. Al-oula sifatu al-wad' wa thaniya sifatu al-qabd. Falak ayyuha al-muslim an tad'a yadaka al-yumna 'ala al-yusra fi as-salah. إما على صفة الوضع وإما صفة القبض. عليكم السلام. أما صفة الوضع فأن تأخذ يدك اليمنى وتضعها على كفك اليسرى حيث تضع الرسغ وهو العظم الذي بين الساعد والكف. On va voir c'est quoi le rusugh, c'est le poignet. Il a dit littéralement c'est quoi le poignet? Le rusugh c'est l'os qui est entre la main et l'avant-bras, c'est-à-dire le poignet. تضع الرسغ والساعد في اليد اليمنى على الرسغ والساعد في اليد اليسرى. أما القبض, من va parler du قبض, on va traduire ça après ensemble, inshallah, فهي أن تقبض بيدك اليمنى على الساعد من اليسرى. وبعض أهل العلم يجعلهما صفة واحدة. ولم يرتضي ذلك المصنف رحمه الله. Et c'est la parole الصواب, inshallah, c'est Cheikh Al-Albani, il n'est pas d'accord avec ça. فقال تعليقا, évidemment, il fait référence à Cheikh Al-Albani رحمه الله. فقال تعليقا في الهامش على هذا الموضع وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة. انتهى كلام شيخ الألباني رحمه الله. On traduit déjà ce point-là et après ensuite on avance inshallah. Il dit donc point tiré de ce chapitre, c'est peut-être important de le noter. Il dit premier point, c'est la mise en évidence de la manière de poser la main droite sur la main gauche en position debout après takbir al-ihram. Donc pour bien situer vous faites takbir al-ihram, on avait dit c'est quoi takbir al-ihram, hein? C'est le premier takbir par lequel tu rentres dans la prière et par quoi deviennent des choses qui étaient halal pour toi qui deviennent quoi? Haram. Par le fait de quoi par exemple? De manger, de boire, de parler. Ça c'était autorisé avant la prière, mais par le fait que tu fasses cette takbira là, eh bien c'est quoi? Ces choses-là deviennent haram. C'est pour ça qu'on appelle takbira tout. Al-Ihram. Et on a dit que c'était quoi? C'était un Barakallahu fik. Et que quoi? Que Raf al-Yadayn, ça c'est une Sunna. D'accord? Ça c'était le cours de la fois passée. Ala kulli hal. Il dit donc, hein, après cette takbirat al-Ihram, qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Poser ta main droite sur ta main. Tu fais ta takbirat al-Ihram. Et on a vu les différentes manières de le faire, avant, après, etc. en même temps. Hein? Et ensuite, donc, tu poses ta main droite sur la main gauche. Et ce geste-là que je fais maintenant, c'est quoi? C'est le wada. Tandis que le qabd, c'est ça, on va voir que c'est ça le qabd. D'accord? Et on va voir la bid'a, c'est quoi? C'est ce que font certaines personnes, c'est de faire ça. C'est-à-dire, yajma'ouna bayna al wada'i wal qabd. Et il va dire après qu'ils mettent l'auriculaire, hein, ils tiennent la je vais, pour les frères qui sont sur Paltalk et les sœurs qui sont sur Paltalk, Inch'Allah, je vais le rapporter après en français plus détaillé. Donc, en fait, ils prennent l'avant-bras avec l'auriculaire et le pouce, et les trois autres doigts, ils sont ici. Cheikh l'Albani dit que c'est une bid'a. Donc, où tu fais le wada, où tu fais al-qabd. Il dit donc ce qui a été mis en évidence par les textes, c'est qu'il y a deux caractéristiques à cette position. Sifatani. Sifatul wada'i, et retenez les mots, wa sifatu al-qabd. Donc, on a, regardez, c'est des mots très courts. Al-wada' wa al-qabd. Al-wada' wa al-qabd. Le wada', c'est le fait de. Hein, wada'a, quand tu dis wada' tashay, c'est-à-dire que tu poses quelque chose. Hein? Le fait de l'qabd, c'est de tenir. D'accord ? Il dit, première, c'est la manière de poser la main, sifatul wada'. Et deuxième, la manière de prendre la main, sifatul qabd. Il dit, Cheikh Bazoumoul Hafidahullah Ta'ala, ô toi le musulman, tu peux poser tes mains dans la prière, soit en faisant sifat al-qabd, soit en faisant sifat al-wada'. Hein? Anta mukhayyar. C'est-à-dire que tu peux faire cela, ceci ou cela. Amal jam'a fa. Amal jam'a fa bid'a. Donc il dit, il explique maintenant sifat al-wada'. Il dit, c'est que tu poses ta main droite et que tu la poses sur la main gauche. Hein? C'est-à-dire que tu mets ton poignet droit et ton avant-bras droit sur ton poignet gauche et ton avant-bras gauche. Hein? Tout simplement comme ça, c'est le wada', d'accord, hein? Et puis il va rapporter après le qabd. Il dit, et peut-être pour les frères qui veulent un peu de vocabulaire, al-rusur, qu'elle utilise ici, quoi? Al-rusur, le poignet. Al-sa'idu, al-sa'id, l'avant-bras. Al-azm, l'os. Hein? Et ensuite, il rapporte quoi? Sifatul qabdi. C'est que tu empoignes de ta main droite ton avant-bras. Tu empoignes. Hein? Que tu empoignes de ta main droite ton avant-bras gauche. Donc l'avant-bras, il est ici, que tu le prennes. D'accord, hein? Donc où tu déposes, où tu empoignes. D'accord. Il dit, cher, certains gens de science font de la manière du qabd et du wada une seule manière. Certains gens de science ont dit ça. Et l'auteur, qui est Cheikh l'Albani, rahimahullah, n'a pas approuvé cela. Il a dit, hein, lam yastahsin dhalik. Il a dit en guise d'annotation dans le Hamish de bas de page à cet endroit du livre, retourné au livre de Cheikh l'Albani, rahimahullah, il dit, tandis que faire al-qabd wal-wada' en même temps, c'est quoi? Il dit que certains parmi les Hanafis récents, les muta'akhirim al-Hanafiyya, istahsanu dhalik. Il a dit quoi? Ont agréé, eh bien, que c'est une bid'a, que c'est une innovation. Fin de citation de Cheikh l'Albani, rahimahullah. Et Cheikh l'Albani, il nous explique dans son livre de Sifat Salah, quand vous regardez l'édition en un volume, il explique c'est quoi la manière comment ils font. Donc il dit quoi? Ils disent que, et je demandais aux gens qui sont surtout sur Internet de bien se concentrer, de bien visualiser la chose, c'est quoi? C'est de poser la main droite sur la main gauche. Donc tu déposes ta main droite sur la main gauche, tout simplement. D'accord, hein? Et qu'avec l'auriculaire, c'est quoi l'auriculaire, hein? C'est le petit doigt, comme on dit, d'accord? Et le pouce, c'est-à-dire les deux extrémités, tu quoi? Tu empoignes ton avant-bras. Qu'est-ce qui reste au milieu sur l'avant-bras? Les trois doigts. C'est ce qu'il dit ici, regardez. C'est déposer la main droite sur la main gauche en tenant le poignet avec l'auriculaire et le pouce et en posant les trois autres doigts. Il dit donc quoi? Que c'est une bid'a, c'est une innovation. Où tu fais le wada', où tu fais quoi? Al-qabd. D'accord? Deuxième mas'ala qu'on tire de ce chapitre. Il dit al-mas'ala tu-thaniya. Makanu al-yadayni yakunu 'ala as-sadr. Maintenant, on a vu que la main par rapport l'une à l'autre. Mais qu'en est-il par rapport à la poitrine? Hein? C'est important de parler de ça. Il dit makanu al-yadayni yakunu 'ala as-sadr. فوق الثديين. وهذا الصحيح من الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء إلى أن المسلم مخير بين أن يضعها على الصدر أو أن يضعها بين الصدر والسرة. attention, j'ai dit بين الصدر والسرة. c'est quoi السرة؟ hein? c'est quoi السرة يا إخوة؟ le nombril, نعم. السرة c'est le nombril. d'accord, on va traduire ça après, inshallah. وبعضهم ذهب إلى وضعها تحت السرة. On va voir que ça, il n'y a pas de dalil là-dessus. « وَالَّذِي ثَبَتَ مَرْفُوعًا صَرِيحًا عَنِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمْ ووضع اليدين على الصدر، ها؟ وهو محتمل للوضع فوق الثديين أو تحت الثديين فوق سرة. Attention، فوق سرة. Il a pas dit تحت سرة. Il a dit فوق سرة. On va traduire qu'est-ce que ça veut dire ça, inshallah. La place où se trouvent les mains maintenant, c'est-à-dire quoi? Ou sur la poitrine. Et c'est d'ailleurs le titre du chapitre. Il dit, c'est sur la poitrine au-dessus des thadiyin, des pectoraux. Au-dessus. Hein? D'accord? C'est ce qui a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont l'avis que le musulman a le choix de poser les mains sur la poitrine ou entre la poitrine et le nombril. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller en dessous du nombril? Non, qu'ils soient bien clairs. Donc regardez, je répète bien français ce qu'il a dit ici. Certains savants ont l'avis que le musulman a le choix de poser les mains sur la poitrine ou entre la poitrine et le nombril. C'est pour ça qu'il a dit « فوق الثديين أو تحت الثديين أو بين الثديين والسرة ». Et certains ont l'avis de les poser en dessous du nombril. Et on voit que ça, il n'y a pas de dalil là-dessus. Ce qui a été rapporté de manière authentique du messager, et évident du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est de les poser sur la poitrine, sadr. Hein, c'est ça qui est quoi? Thabit an Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa wadih. Ce qui peut être compris, parce que justement, il a dit la poitrine, ce qui peut être compris comme fawqa thadiyini, hein, comme les poser au-dessus des pectoraux, ou en dessous, mais au-dessus du nombril, c'est-à-dire au-dessus du nombril. D'accord? Troisième point qu'on tire de ce chapitre-là, et c'est le dernier, inshallah. On va terminer là-dessus aujourd'hui, inshallah ta'ala. Al-mas'alatu thalitha, ma yata'allaku biwad'i l'yadi fi s-salah, wa huwa anna al-muslima manhiyun anil ikhtisar. On va voir c'est quoi l'ikhtisar, inshallah. Fi s-salah, wa sifatu l'ikhtisar. هو أن يدع يديه على الخاصرتين يعني يجعلهما مجوفتان يضع الكف على الخاصر من هنا ومن هنا فإن هذه صفة صلاة المغضوب عليهم c'est pour ça que c'est منهي عنه. D'accord, je traduis ça. C'est quoi le troisième point donc ici? Ce qui touche au fait de poser les mains dans la prière, et c'est le fait qu'il est interdit aux musulmans de faire al-ikhtisar. Al-ikhtisar. Al-ikhtisar dans la prière, c'est le fait, hein, et vous le voyez bien, regardez qu'est-ce qu'il a utilisé comme mot. Il a dit quoi? An yada'a yadayhi 'ala al-khasiratayn. C'est pour ça qu'il appelle ça al-ikhtisar. D'accord? C'est le fait de placer les mains sur les hanches, de mettre chacune des paumes des mains sur une hanche, yani d'un côté et de l'autre, car c'est une caractéristique de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Hein? On termine là-dessus aujourd'hui, inshallah. Wa barakallahu fikum, wa subhanaka allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et une petite nasiha, yani, je sais que des frères l'ont suivi. Yani, Allah alaykum bil hifdi ikhwa. Yani, صراحة الحمد لله بعض الإخوة وفقوا أخذنا كتاب شيخ ربيع فحافظوه حافظوا العشرين الحديث أو كم 21 حديث أنا إذن يدي فخار سختان يدي فخار إذن تجي لفانتي حديث وبعض الإخوة حافظوا الحمد لله شروط الصلاة كلها وبعض الإخوة الحمد لله حافظوا الأصول ثلاثة كلها فإخوة عليكم بالحفظ صراحة يعني كتاب مختصر يا كل كرين وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى et ça peut vous aider pour faire da'wah dans vos familles, hein, pour montrer avec des gestes, avec des hadiths, etc., pour donner cours dans ces fêtes salat. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment prier. Al-hifz ma' al-fahm, ya ikhwa. Ijma'u bin al-hifz wa al-fahm. Ça, c'est une nasiha de ma part. Ça, c'est vraiment très, très important. Mais aussi de noter dans les cours, ya ikhwa. Hein? Les savants, ils disent que le qalam, c'est quoi? C'est le filet du talib al-ilm. Le pêcheur, il va à la pêche sans filet, subhanallah. Répondez. J'ai peut-être quelqu'un de très agile, je ne sais pas, mais. D'accord? Il faut un qalam, il faut noter. Et je vous assure que si je m'écoutais, j'interdirais aux gens de s'asseoir sans noter. Mais je sais que si je fais ça, hein? Vous avez souri, donc je n'ai pas besoin de terminer ma phrase. Hein? D'accord? Je veux dire, si je m'écoutais, je le ferais. Hein? D'accord? Il faut noter, il n'y a pas de secret. Il faut noter, il faut travailler les cours. Je vous avais dit que le Hafid al-Hakami, rahimahullah, كان يحاضر الدرس قبل الدرس ثم يحضر الدرس يكتب الفوائد يحفظ المتن مع الشرح ثم يذهب إلى الإمام القرعاوي رحمه الله ويتذاكر معه في المسائل العلمية في مكتبته. هذا هو الأسلوب. ها ساس الأسلوب طالب العلم. الحافظ الحكمي رحمه الله c'est pour ça qu'un devenu imam il est mort à 35 ans. Il est mort jeune رحمه الله 35 ans il est mort. Combien de livres il a laissé, hein? Il rapportait de lui, qui, donc je termine d'abord ce que j'ai dit ici, c'est quoi? C'est de préparer le cours avant de venir. Vous savez le chapitre qu'on va faire, hein? Même si vous n'avez que le livre de Cheikh Al-Albani, vous savez préparer ça, vous avez même la traduction en français. Préparez le cours, venez au cours, notez les fawaïd, mémorisez à la maison, et après faites le mudakara entre vous. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui, etc. D'accord, c'est quoi ton dalil, etc. Le mudakara, c'est très très important. Hein? D'accord. Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, il a rapporté de lui que quoi? Que il a toujours voulu s'asseoir avec l'imam Qara'awi, rahimahullah, mais il était berger. Et ses parents, il devait rester pour travailler avec ses parents, il ne pouvait pas partir. Alhamdoulilah, Wufiq, il est parti et il s'est assis dans Sharh, Tuhfat al-Atfal. Vous savez c'est quoi Tuhfat al-Atfal? Hein? Fi Tijwid. Fi Halqa Wahida, Hafid al-Mat ma'a Sharh. Hein? Bid-Dabt. Il a mémorisé, je dis quoi, dans sa poitrine, il ne sait pas, on est écrivain. C'est-à-dire qu'en une jelsa, il connaissait le sharh, et le matin, et le sharh. Fa'u'jiba bihi l'imam Qara'awi, rahimahullah. Un an, il a étudié, sana l'oula darasa, sana thalita darasa, sana thalita allafa. Première année, si je me souviens de sa biographie, il a étudié, deuxième année, il a commencé à donner cours, troisième année, il a commencé à écrire. رحمه الله حفظ القرآن في شهر كان يحفظ جزءا من القرآن يا إخوة في كل يوم كل يوم يحفظ الجزء ويصلي بالناس التراويح في الليل حفظ الحكم رحمه الله un juz par jour un juz il priait il mémorisait la journée et le soir imaginez-vous والله c'est pas facile être imam hein. D'accord, hein? Il a étudié. Il a étudié le Coran en un mois. Il a étudié donc un juz par jour. Un juz, c'est deux hizbes du Coran. Hein? C'est-à-dire un trentième du Coran par jour. Et le soir même, il faisait imam et celui qui dirigeait les gens dans Tarawih. Rahimahullah ta'ala. Il est mort très jeune. Hein? Et les savants d'aujourd'hui, comme Cheikh Rabi'a, comme Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, comme Cheikh Ahmed Najm, ils expliquent ses livres dans le Usul. Dans Sulam al-Wusul, dans Tawhid, c'est de qui? Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah. Hein? A'lam sunnah al-Manshura. Hein? 200 questions-réponses dans. Hein? C'est de qui? Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah. Hein? L'Afnan Nadia qui l'a battu dans 7 volumes. C'est un charah dans le fiqh d'un matin, ou plutôt d'une mandoma de qui? Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah. Hein? Et Khouma, j'ai dit ça, il y a un bab, il y a un nasiha, ou le hath, ou le. C'est des exemples-là. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ يَدْهُونَ يَهْدُونَ بِي أَمْرِنَا لَمَّا سَبَرُوا وَكَانُوا بِي آيَاتِنَا يُقِنُونَ فقال بعد السلف إنما تنال الإمامة أو بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين يا إخوة. La patience, il n'y a pas de secret. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité de je veux sans vouloir. C'est pour ça que les ulama ils font la différence entre hamma wa arada. Hamma, le verbe hamma en arabe, il faut traduire les deux en français, c'est vouloir. Mais hamma, ce n'est pas comme arada. Arada, l'irada, متبوعه بالفعل. C'est que quoi? C'est que quand tu veux que tu rides, hein, tu rides, naam, urid. افعل. Hein? C'est-à-dire que quoi? Tu veux? Fais. Wa illa faqad hamamta. Hein? Sinon, tu as quoi? Tu as voulu sans faire. D'accord? Voilà, il faut avoir arrêté cette attitude. Il faut être studieux, il faut étudier, il faut prendre des notes, il faut s'organiser, hein? Il faut faire un horaire. Et pas, c'est pas beaucoup par jour. Si un frère, il est bien organisé, il a des bonnes méthodologies, hein? Il a un bon horaire, un bon programme. Voilà, en peu de temps, il peut avoir de très très bons résultats. De faire les livres dans l'ordre. C'est ce qu'on essaie de faire depuis le début dans cette mosquée ici. On a commencé par quoi dans l'aqida? On a commencé par Tadmouria. Non, on a commencé par l'usul talata. Et maintenant, on fait l'usul sitta. Wahakada. Hein? Shay'an fa shay'an. Hein? العلم إن طلبته كثير والوقت عن تحصيله قليل فقدم الأهم فالأهم. Hein? C'est-à-dire quoi? العلم إن طلبته كثير. Si tu l'étudies, il est beaucoup, il est nombreux. يعني, il y a beaucoup de علم. Ça, oh là là. Hein? والوقت عن تحصيله قليل. Et le temps pour l'acquérir, il est peu. فقدم الأهم فالأهم. Fais passer ce qui est le plus important avant ce qui est le moins important. Et je vous assure, c'est ce qui tue beaucoup de motivation. Il y a des frères qu'on a connus, alhamdoulilah, très très motivés. On en est connus, mashallah, ils faisaient des mémorisations d'Asanid, mashallah, hein, de l'Hif, etc., des livres, mashallah. Ils ont arrêté un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi la méthodologie des machères. C'est trop dur. Ils n'ont pas suivi, ils n'ont pas suivi les petites masaïl avant le. Et je vous avais rapporté dès le tafsir du Coran, du verset du Coran, « Walakin, kounou, rabbanina bima, kuntum » تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون hein? العالم رباني comme ils ont dit certains ulama, ils ont dit quoi? الذي يعلم الناس صغر المسائل قبل كبارها. D'abord les petites مسائل avant les grandes, hein? Ça c'est la منهجية des ulama, hein? D'accord. Et il faut étudier, il faut assister aux cours, hein? C'est vrai qu'on peut assister sur Paltalk, c'est vrai qu'on peut écouter au cours en audio, on peut acheter la cassette, kada, kada. Alhamdulillah, c'est le cas, il a un audre au moins, alhamdulillah, c'est, il fait ce qu'il doit faire dans sa voiture, etc. Alhamdulillah, dans son MP3, etc. Mais le fadl al majalis fil masajid, ya ikhwa, l'asl f'talab al-ilm, c'est fil masajid. Fi buyut Allah azza wa jal. Et comme ça, vous aurez le rahma et le sakina, incha'Allah. Et regardez, alhamdulillah, on a beaucoup de frères aujourd'hui, masha'Allah. Moi, ça me motive personnellement, sarahatan. Et je pense que vous aussi, ça vous motive. Vous dites, subhanallah, yani, est-ce que moi je vais m'interdire ce khir-là alors que les frères ils sont là? Pourquoi je vais m'interdire ce khir? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Allah, ikhwa, nas'Allah azza tawfiq wa sadad. Nas'Allah azza wa jal yuffiqana lima yuhibbu wa yardah. Hein? Man yuridillahu bi khairan yuffiqhu fi ddin. On avait déjà vu ce hadith-là. Nas'Allah azza tawfiq. Wallah, amr tawfiq, sarahatan. Si tu viens ou si tu viens pas, c'est pas pour parce que toi tu as voulu. C'est Allah azza waffaqaka li dhalik. Nas'Allah azza tawfiq wa sadad. Hein? وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ونراكم غدا ان شاء الله اي demain il y a le dars de Cheikh Obed El Jabiri live en direct à 7h ان شاء الله hein? Soyez à l'heure. Un des parmi les adab du talib ilm, c'est d'être à l'heure, d'être ponctuel, ya ikhwa, hein, et d'être même à l'avance, que tu te prépares. Ça c'est très important, d'être là, de prendre des notes, inshallah. Il y a une traduction en anglais demain par Abu Hakim hafidahullah pour les frères qui comprennent l'anglais, hein, d'accord. Pour les frères qui comprennent l'arabe, ils n'ont même pas besoin de traduction, alhamdoulilah. Hein? Et j'ai entendu, et c'est juste, inshallah, c'est une bonne nouvelle, je pense qu'il va commencer un livre demain qui commence à mettre le fiqh. Livre très très important dans le fiqh. Hein? D'accord. Donc premier réflexe, si vous ne l'avez pas, allez vite l'acheter. Amdat le fiqh. Je pense que c'est amdat le fiqh. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui. On verra demain, inshallah, walakin, c'est ce que j'ai entendu. Hein? C'est ce que tu as vu sur Salafi Talk aussi. C'est ça, amdat le fiqh. Hein? Le fiqh, c'est un très très bon livre dans le fiqh. On a un charh d'un grand savant comme Cheikh Obed El Jabiri. Le khair il est moujoud, ikhwa. Et on est venu surtout pour la mosquée, on est venu kada. On est venu pour la mosquée, après on laisse la mosquée. Kif. Hein? Fa, yani, wallah, yani, c'est nasiha, wa din nasiha. Salla allakum taqbaluna minni, inshallah. Hein? Donc demain, 7h, dars de Cheikh Obed El Jabiri en live. Et une traduction, inshallah. Je ne pense pas que Cheikh va faire un très très long dars. Donc ça dépend du temps qu'on a entre le Maghrib et l'Isha après. Si on a une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, on va voir avec les responsables de la mosquée, inshallah, on essaiera de faire notre cours. Même si on ne fait qu'une demi-heure de Usul Sitta, même qu'on ne fait que 20 minutes ou la Shahaja. Sinon, alhamdulillah, on a eu notre dars avec Cheikh Abel Jabiri, ça, hein, ça nous suffit, inshallah. Et alors, la semaine prochaine, et je pense, Allah alam, que ce cours de Cheikh Abel, il va être chaque semaine. Je pense, et inshallah, c'est très important d'avoir des contacts avec le Mashaykh. Donc on reste en contact, inshallah, avec les frères qui sont responsables du site, ils mettront les informations nécessaires et plus vite possible, inshallah. Jazakumullah khairan. Wa ma'diratan 'ala al-itala.